Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la reine Élisabeth II. C'est un titre de reine, votre reine, que je vous salue. Ensemble, nous constituons le Parlement du Canada. C'est la première fois que les représentants du peuple du Canada et leur souveraine se trouvent réunis à l'occasion d'une ouverture du Parlement. C'est pour nous tous un moment mémorable. La reine Élisabeth II s'adressant aux députés de la Chambre des communes à Ottawa lors de sa première visite au Canada en tant que reine en 1957. Au cours de son très long règne, Élisabeth II viendra une vingtaine de fois au Canada. Le règne d'Élisabeth II est celui d'une extraordinaire longévité. De toute l'histoire de la monarchie britannique, Élisabeth II est celle qui a été sur le trône le plus longtemps. Avant elle, ce titre revenait à la reine Victoria, qui avait régné plus de 63 ans sur ses sujets. Mais depuis le 9 septembre 2015, à 17h30, heure de Londres, c'est à Élisabeth II que revient cet honneur. At home, think continually of our friends and relations who have gone overseas. Tous les enfants à la maison pensent à leurs amis qui sont partis à l'étranger, ceux qui ont parcouru des milliers de kilomètres à la recherche d'un endroit sécuritaire en temps de guerre, avant d'être accueillis au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et aux États-Unis. I know you won't forget us. It is just because we are not forgetting you. Je sais que vous ne nous oublierez pas. Et c'est justement parce que nous ne vous oublions pas que je désire, au nom de tous les enfants qui sont restés à la maison, vous transmettre nos meilleurs vœux, à vous ainsi qu'à ceux qui vous ont accueillis. Ma sœur est à mes côtés et nous allons ensemble vous souhaiter bonne nuit. Come on, Margaret. Good night, children. Bonne nuit et bonne chance à vous tous. Good luck to you all. La jeune princesse Élisabeth et sa sœur Margaret, lors de sa toute première allocution publique, la toute première allocution publique d'Élisabeth, le 13 octobre 1940, à l'antenne de la BBC, pour évoquer quelques moments forts de ce très long règne d'Élisabeth II. Trois invités avec nous aujourd'hui. D'abord, le journaliste Marc Laurendeau, un habitué de l'émission, analyste de la monarchie. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour. Dans nos studios de Paris, Isabelle Rivère, qui est spécialiste de l'histoire des familles royales, auteur, entre autres, d'Élisabeth II dans l'intimité du règne, publié chez Fayard en 2012, et de Charles et Camilla, une histoire anglaise, publiée toujours chez Fayard en 2017. Isabelle Rivère, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Et puis enfin, le philosophe, historien britannique James Jackson, qui a enseigné 25 ans à Trinity College à Dublin. James Jackson, bonjour. Bonjour. Alors, parlons d'abord de la femme, de cette personnalité flamboyante, ne serait-ce que de par sa tenue vestimentaire, on y reviendra, mais cette femme, Marc Laurendeau, comment la décrire? Qualité centrale, le sens du devoir. Ouais. C'est illustré d'ailleurs par une phrase qu'elle prononce quand elle a 21 ans. Elle s'adresse à la nation et elle dit, ce discours est célèbre, que ma vie soit longue ou courte, elle sera entièrement dédiée à vous et à notre famille impériale. Mais c'est qu'elle a suivi cela. Ouais. Elle a été une femme de devoir toute sa vie. Elle est devenue une mémoire institutionnelle, ouais, parce qu'elle a rencontré une quinzaine de premiers ministres britanniques, de Churchill à Theresa May, ouais, et elle a des pouvoirs limités auxquels elle s'en tient. Elle respecte la neutralité, elle ne s'en départit jamais. Elle a trois prérogatives, rappelons-le, être consultée, encouragée et mettre en garde. Ouais. Et ça, elle le fait. Ouais. Mais c'est une personne qui est respectueuse des institutions, connaît bien le droit constitutionnel et qui fait bien ses devoirs. Studieuse, hein? Ouais. Ah, elle lit les boîtes rouges qu'on lui envoie, en cuir rouge, là, qu'on lui envoie tous les jours. Elle lit ça, elle lit les minutes du cabinet, ouais, elle est bien informée. Ces boîtes rouges qui la préparent, entre autres, à ces audiences qu'elle a avec les premiers ministres britanniques, en principe, une fois par semaine. Isabelle Rivère, vous avez eu cette chance, en fait. Vous avez pu suivre la reine durant ses déplacements pendant un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce qui, quand on la côtoie d'un peu plus près, qu'est-ce qui nous frappe, qu'est-ce qui est chez elle, qu'est-ce qui nous saute tout de suite aux yeux? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, sa simplicité. Ouais. C'est une femme aussi qui a beaucoup d'humour. Alors ça, je n'en ai pas été directement le témoin, mais les membres de sa famille vous racontent qu'elle a un génie des imitations. Ah bon? qui est certain, mais oui, qui les fait tous beaucoup rire. Moi, j'ai assisté à des scènes assez, assez incroyables au sein même du palais de Buckingham, un soir où elle recevait à dîner un chef d'État étranger et où elle inspectait elle-même la table du banquet. Et Dieu sait pourtant que la maison royale est experte dans ce type d'exercice, mais elle a vérifié elle-même l'alignement des chandeliers, des assiettes. Elle se penchait, elle tapait du pied sur la moquette pour s'assurer qu'on avait bien réparé le trou qui s'y trouvait quelques heures auparavant. Il y a beaucoup de simplicité. Non, mais beaucoup, c'est une femme qui a le pied sur terre, surtout. Sa passion, James Jackson, cette femme-là, elle est reine. Long règne, c'est quelqu'un qu'on voit conduire un Range Rover, c'est quelqu'un qu'on voit avec ses chiens, ses chevaux. Elle a un petit côté presque campagnard. Ça lui vient d'où, ça? Ça vient de son enfance, parce que avant de découvrir qu'elle allait devenir reine un jour, elle voulait être la femme d'un fermier. Ah bon? Pour elle, c'était la vie de campagne. C'est la vie dont elle rêvait. Oui. Et elle n'était pas instruite pour devenir reine. Hein, quand on voit les mémoires de certaines personnes qui l'entouraient, on sait que son instruction, c'était privé, c'était une nurse qui lui donnait des cours d'élocution, de musique, de littérature. Donc elle n'était pas tout à fait préparée pour le rôle qu'elle devait assumer. Elle va être furieuse de ça à un moment donné aussi. Parce que, et on a déjà vu ça dans certaines pièces ou films sur sa vie, où elle se plaint auprès de sa mère, et sa mère dit « Ma chérie, vous n'avez pas besoin de tout ça. Oui. » Alors finalement... Elle veut des connaissances d'histoire, de géographie, de géopolitique, elle n'a pas eu ça. Oui, elle ignorait tout ça, elle recevait simplement des leçons sur la Constitution données par le provost de Eton College. C'est très dur, c'est très dur, très sec comme instruction. Donc on peut dire qu'elle s'est instruite pendant le reste de son règne. Et vous dites, vous, James Jackson, Elisabeth II, comme de fait l'ensemble des Windsor, ces gens-là ne sont pas des intellectuels. Jamais, non. Elle ne s'intéresse pas à la littérature. Moi, je connais des auteurs qui l'ont rencontrée et qui disent elle ne s'intéresse pas à ce que je viens de publier, des gens qui reçoivent des prix. Elle aime plutôt parler de la vie quotidienne. Et puis aller à la campagne avec ses chiens, ses chevaux. Elle lit les journaux hippiques tous les jours, un quotidien hippique. Et en plus, elle déteste l'opéra. Déteste l'art moderne, ça ferme des portes. Elle a quand même des intérêts culturels, elle n'est pas totalement ignorante, loin de là. Ouais. Et sa branche forte, c'est le droit constitutionnel. Alors, puis elle va faire la leçon à certains des premiers ministres là-dessus. Isabelle Rivère, un petit mot là-dessus. Elle a ça en commun avec la reine Victoria d'être fascinée par la vie de la classe moyenne, par le style de vie de la classe moyenne, cette classe moyenne à laquelle finalement elle aurait tant aimé... pouvoir fou, s'identifier, ça. Tenter mais ressembler. Mm. C'est une femme, finalement, c'est un chroniqueur, un ancien chroniqueur royal français qui avait eu cette phrase que je trouve très juste. C'est une femme ordinaire placée dans une situation, dans une position extraordinaire. Et je pense que la formule la résume bien. Son côté flamboyant, revenons-y, on parle souvent de ça, c'est ces teintes pastel, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la flamboyance dans le vêtement, parce que c'est pas dans le verbe qu'elle est flamboyante, elle est plutôt réservée et sobre. Mais les vêtements colorés, elle les porte par un choix politique, c'est-à-dire, contrairement à la reine Victoria, qui s'habillait toujours en noir et qui vivait un peu comme une recluse, d'ailleurs, qui se faisait pas voir souvent à la fin de sa vie, elle a décidé que pour durer, il fallait être vue de ses citoyens. Et quand elle est dans les foules, elle porte des vêtements bleu royal, bleu, plus que ça, bleu électrique, rouge, orange, jaune, canari. Oui, elle est flamboyante. Ça n'est pas la recherche. Elle ne va pas chez les grands couturiers, là. Elle ne va pas les grands couturiers de Paris ou d'ailleurs. Elle ne porte pas du Hermès. C'est plus près de la classe moyenne, avec des chapeaux, comme vous dites, flamboyants, éclatants, qui parfois couvre la figure pour la protéger du soleil, parfois la découvre, mais elle veut toujours être vue, qu'on puisse autant que possible y voir la figure dans la foule. Oui, un tout petit mot sur sa relation avec Philippe. On va revenir sur le rôle qu'occupera Philippe, entre autres, autour du couronnement, puis dans la suite de son règne dans un instant, mais quand même déjà, Isabelle Rivère, sur la façon dont ils se rencontrent, ces deux-là. Est-ce qu'on peut parler d'abord d'un mariage d'amour, Isabelle Rivère? C'est un mariage d'amour. Dans l'entourage d'Elisabeth II, on dit qu'elle n'a jamais posé les yeux sur un autre homme que son mari. Elle le rencontre pour la première fois, en tout cas c'est la seule, c'est la première occasion dont ils se souviennent vraiment l'un et l'autre. En 1939, alors que le roi George VI, son épouse et leurs deux filles effectuent une visite officielle au Collège royal naval de Dartmouth, et à l'époque, on confie au prince Philippe, qui est né prince de Grèce et Danemark, le soin de s'occuper des deux jeunes filles que l'on tient à l'écart du campus parce qu'il y sévit une épidémie d'oreillons. Et donc, Elisabeth va tomber ce jour-là. C'est en tout cas ce que dit la légende, mais a priori, la légende est assez véridique. Mmh. Elle tombe amoureuse ce jour-là de ce jeune homme qui est un peu plus âgé qu'elle, mais qui surtout ne ressemble à aucun des autres garçons qu'elle a rencontrés avant lui. Et qu'elle mariera donc quelques années plus tard. Oui, elle va l'épouser en novembre 1947. Ouais. C'est un véritable mariage d'amour, elle est folle de lui. Ouais. Et les lettres que le prince Philippe va écrire pendant leur voyage de noces témoignent aussi des sentiments très profonds, très authentiques, très sincères qu'il a pour sa jeune épouse. La reine est prête maintenant pour le couronnement proprement dit. Elle est assise, revêtue de son grand manteau impérial d'or, tenant dans chacune de ses mains l'un des deux sceptres, il ne manque plus que la couronne. L'archevêque de Canterbury est en face de la reine. Il prend la couronne. L'élève, Elisabeth II, est couronnée. Elisabeth II devient reine à la mort de son père George VI le 6 février 1952, mais elle est officiellement couronnée le 2 juin 1953. Isabelle Rivère, à la naissance, Elisabeth n'est pas du tout prédestinée à devenir reine. Dans quelles circonstances va-t-elle le devenir? En fait, c'est l'abdication de son oncle, le roi Édouard VIII, le roi très bref, en décembre 1936, qui fait d'elle l'héritière du trône en second, après son père, le nouveau roi George VI, qui lui-même n'a pas du tout été préparé au métier de roi. D'ailleurs, il va très mal vivre son accession au trône. Il racontera après qu'il est allé sangloter sur l'épaule de sa mère en lui disant « Mais c'est un métier dont je ne veux pas, auquel je n'ai pas été préparé, pour lequel je ne suis pas fait. » Et donc, la jeune princesse Elisabeth devient l'héritière du trône à l'âge de 10 ans. Elle n'était pas du tout destinée au métier de reine. Et lorsqu'elle accède au trône, elle n'a pas encore 26 ans, elle n'y est pas non plus préparée, puisque son père disparaît très prématurément, usé notamment par les événements de la Seconde Guerre mondiale et aussi par une consommation excessive de cigarettes. Oui. Et donc c'est une jeune femme totalement expérimentée qui accède au trône de ses ancêtres. Et qui, on l'a déjà évoqué, qui ne se voyait pas là, qui ne pensait jamais devenir reine, mais qui l'est tout à coup à cause du destin, ou grâce au destin, c'est selon. Elle va, dites-vous dans votre livre, même si elle ne veut pas, elle n'a jamais rêvé d'être reine, elle va se laisser prendre au jeu, Isabelle Rivère, et se passionner pour son métier, si je puis dire. Oui, enfant, elle priait pour que Dieu lui donne un petit frère, hein, ce petit frère qui serait monté sur le trône à sa place, à la mort de George VI. Reste qu'une fois reine, c'est son sens du devoir qui va prendre le dessus sur tout le reste et qui va faire d'elle une grande reine, voire une très grande reine, à l'égal de ce qu'ont pu être avant elle Élisabeth Ière ou la reine Victoria. Elle a en commun avec Victoria notamment cette passion du métier, en fait, chevillée au corps. Et d'ailleurs, quand elle accède au trône, il y a quelque chose de Victoria qui écrit à l'époque, à la fin du 19e siècle, voilà, « I'll be good », c'est-à-dire je ferai de mon mieux. Il y a un sens du service, un sens de la loyauté qui est tout à fait extraordinaire chez elle, oui. Et qu'on avait entendu une première fois dans ce discours qu'elle avait prononcé en Afrique du Sud le jour de ses 21 ans, et dans lequel elle avait prêté un serment au peuple britannique, oui, et à l'ensemble des populations des pays du Commonwealth, en disant « Quelle que soit la durée de ma vie, qu'elle soit longue ou courte, je serai à votre service. » Oui, cet extrait dont nous parlait Marc Laurendeau il y a quelques minutes. Revenons à la cérémonie de couronnement comme telle du 2 juin 1953. L'organisation est confiée au prince Philippe, au mari d'Élisabeth. Ça brise déjà, il faut le dire, la tradition qui était jusque-là établie. Pourquoi, Isabelle Rivère, on confie l'organisation de cette cérémonie à Philippe? Parce que Philippe a besoin d'un rôle. L'accession au trône, rapide, inattendue, d'Élisabeth l'oblige à renoncer à sa carrière d'officier de marine, une brillante carrière, et surtout le réduit, lui, cet homme dont on connaît le tempérament un peu bouillant, peu macho, a finalement un second rôle. Il y a une séquence, en fait, dans la série de Netflix, The Crown, où on voit le débat entre eux deux, entre Élisabeth et Philippe, sur le fait que, selon le protocole, durant cette fameuse cérémonie, c'est lui qui s'occupe de l'organisation de la cérémonie, il doit s'agenouiller devant la reine. C'est très évocateur de ce que ça veut dire pour lui que de devenir donc le second violon, si je puis dire. Mais Philippe est aussi le premier de ses sujets. Il est son mari. Ouais. Il est aussi le père du futur roi et le premier des sujets de la nouvelle Élisabeth II. Et c'est en ce sens qu'il accepte de s'agenouiller devant sa femme. Il ne faut pas oublier que le prince Philippe est né prince de Grèce et Danemark. C'est un homme qui connaît les usages, ouais, qui est profondément respectueux des traditions coûte, et qui accepte ce geste. Mais ça lui coûte parce qu'en même temps, c'est un militaire, c'est un donneur d'ordre, cet homme-là, en principe. C'est un donneur d'ordre, c'est un officier de marine habitué à commander des équipages sur des vaisseaux de guerre. Donc là, on le retrouve effectivement, j'allais dire, condamné à marcher toujours éternellement deux ou trois pas derrière sa femme ou à lui tenir la main, ouais, le jour de l'ouverture solennelle du Parlement. Vous voyez, avec une grâce de danseur mondain, bon, ça n'est pas du tout le rôle auquel son, ouais, tempérament le destinait. James Jackson. Oui, je crois qu'il faut souligner aussi l'aspect sacré du couronnement. Parce que c'est comme, pour elle, à ses yeux, comme un sacerdoce. Elle est ointe, hein, par l'archevêque, avec des huiles, comme un prêtre. Oui. Alors pour elle, ce n'est pas juste un sentiment de devoir, de responsabilité vis-à-vis de son pays, mais aussi, elle est là, pas parce que Dieu l'a placée sur le trône, mais parce qu'elle a... Elle a ce côté, probablement ce qu'elle avait appris de son père, oui, hein, quand elle a récité certains textes du couronnement. C'est un sacerdoce, oui, et c'est pourquoi elle va rester jusqu'à, oui, la fin. Ce qui explique qu'Isabelle Rivière parlait de le côté en retrait de Philippe, oui, ça pourrait expliquer cette espèce d'humour qui éclate parfois, comme il se défoule à certaines occasions, un humour très peu politiquement correct. Mm-hmm. Comme, par exemple, quand il s'adresse à quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, il lui demande « Combien de personnes avez-vous écrasées avec ça aujourd'hui? » Non, mais c'est le genre d'humour. Oui. Et il est parfois hors protocole, Philippe. Oui. Et des fois, il se révolte un peu contre tout ça. Et une des petites révoltes qu'il aura dès le moment où on lui confie cette fameuse l'organisation de cette fameuse cérémonie de couronnement du 2 juin 1953, c'est l'idée révolutionnaire à l'époque, Isabelle Rivière, de télédiffuser la cérémonie. C'est une bataille qu'il va livrer et qu'il devra gagner parce qu'il y a beaucoup de réticences. Pourquoi? Il y a beaucoup de réticences, d'abord parce que Philippe a la réputation, justement, est soupçonné d'être un révolutionnaire qui veut tout bouleverser au palais, et ça n'est pas vu d'un très bon œil à Buckingham, c'est le moins que l'on puisse dire. Puis effectivement, il y a le caractère sacré de cette cérémonie qui n'a jamais été rendue publique. Et puis il y a aussi le rôle de Churchill qui, lui, est hostile à l'entrée des caméras de la BBC à Westminster, parce qu'il dit « Mais cette jeune reine, les lumières vont la gêner, vont l'éblouir, mmh, elle aura trop chaud. » Enfin, on sent déjà le côté très paternaliste, hein, du vieux lion de la politique britannique qui, ouais, veut protéger cette jeune reine à qui il est en train de tout apprendre. Ben, on y vient justement à sa relation avec Churchill, parce que ce sera Winston Churchill, donc, ce sera son premier ministre à Élisabeth II. Quelle importance il aura dans la vie de la jeune reine? De quelle nature sera leur relation aussi? Je vous propose d'écouter un extrait de cette série, justement, produite par Netflix, The Crown, en 2016. Votre Majesté. Winston? Je suis seulement une jeune femme qui est au service de son pays depuis peu. Et je n'aurai jamais la présomption de m'adresser à un homme qui a tellement d'années de plus que moi et qui a tellement donné à son pays pour lui faire un serment. Cependant, vous étiez présent lors de mon couronnement. Oui. Et vous m'avez donc entendu vous-même lorsque j'ai fait le serment solennel de gouverner les peuples de mon royaume en tenant compte de leurs lois et de leurs coutumes respectives. Oui. Il se trouve que selon une de ces coutumes, l'homme qui a été élu comme premier ministre doit être raisonnablement sain de corps et d'esprit. Une aspiration qui ne me semble pas scandaleuse, à vrai dire. Non. Mais si j'en crois certaines rumeurs vous concernant, vous n'étiez pas vraiment sain de corps et d'esprit ces dernières semaines. Et vous avez voulu, semble-t-il, faire en sorte que cette information ne parvienne pas jusqu'à moi. Une décision qui m'a fait pour effet de trahir non seulement le lien de confiance prévalant entre nous et les institutions que nous représentons tous deux, mais aussi la relation personnelle qui existe entre nous. Votre santé s'est-elle améliorée? Je vais mieux, oui. Bien. Mais s'est-elle suffisamment améliorée? Suffisamment pour que vous soyez apte à remplir vos fonctions. Je dois vous demander de réfléchir à votre réponse en tenant compte du respect que méritent mon rang et ma fonction, et non pas en vous fiant à celui que mon âge et mon sexe peuvent vous inspirer. Madame, quand je vous regarde maintenant, je me rends compte que le temps a passé, que le moment approche rapidement de laisser la place. Pas parce que mon état de santé me rendrait inapte à remplir mes fonctions, mais parce que vous êtes prête. Ce qui signifie pour moi que je me suis acquitté de mon devoir vis-à-vis de votre défunt père. Si vous m'accordez votre bénédiction et aussi votre clémence, je continuerai encore quelque temps à diriger le gouvernement de votre majesté. Votre majesté. Il est extraordinaire, cet extrait de la série The Crown, parce qu'il nous montre d'abord, c'est une petite leçon de politique britannique, de règles monarchiques. Ça nous montre quel genre d'équilibre il doit y avoir, quel rapport il doit y avoir entre la reine et ses premiers ministres. Et puis aussi, Isabelle Rivère, ça nous amène à parler de cette relation très particulière qu'aura la reine avec Churchill. Quelle importance, de quelle nature sera cette relation et quelle importance aura Churchill pour Élisabeth II? Alors, c'est l'une des relations fondatrices du règne d'Élisabeth II. Quand George VI meurt en 1952, Winston Churchill est enterré, la nouvelle Élisabeth II est très jeune et Winston pense qu'elle n'est encore qu'une enfant. Et c'est au fil de leurs entretiens hebdomadaires, qui durent à chaque fois une vingtaine de minutes, que Winston Churchill va se rendre compte des qualités extraordinaires, des dispositions extraordinaires que manifeste cette jeune femme, son sérieux, son sens aigu du devoir, des responsabilités, son intelligence, en fait, de la chose de l'État. En même temps qu'il va lui montrer son métier, en fait, l'éduquer. Il lui apprend tout. Il lui apprend les rouages de la politique britannique, le fonctionnement du gouvernement. En réalité, il lui apprend un métier qu'elle découvre à travers lui, qu'elle avait très peu connu. Elle avait vu son père se tuer à la tâche, mais n'était jamais rentrée dans les détails, vous voyez, du fonctionnement du métier de roi. Et c'est Winston Churchill qui va lui enseigner tout cela. Rapidement, leurs entretiens hebdomadaires durent bien plus longtemps que 20 minutes. Hein. Ouais. Ça s'éternise, Élisabeth II commence à lui offrir des drinks, etc. On parle chien, on parle chevaux, qui sont des passions communes au Premier ministre et à sa souveraine. Ils finiront par s'apprécier beaucoup, par s'aimer d'une certaine façon. Au point que Winston Churchill, c'est en tout cas ce que dira sa fille, sera à la fin de sa vie éperdument amoureux de la jeune reine. Marc Laurendeau. L'intéressant, c'est que ça s'est inversé comme rapport. Au début, c'est Churchill qui lui a appris son métier, mais là, c'est elle qui est le puits de sagesse pour des premiers ministres plus jeunes qu'elle. Ouais. Ces derniers Maintenant, temps, ouais. C'est elle qui initiait les premiers ministres au fonctionnement constitutionnel entre la monarchie et le cabinet. I would like to fit to put each and every one of you in my pocket and to return with you to South Africa. Le président sud-africain Nelson Mandela a reçu un accueil triomphal à Londres où il a été accueilli par la reine Elizabeth dès son arrivée. 6000 personnes étaient rassemblées pour la revue de la garde royale à laquelle M. Mandela a participé. Le prix Nobel de la paix a expliqué qu'il voulait remercier les Britanniques pour leur soutien durant sa lutte contre l'apartheid. Vendredi, Nelson Mandela visitera le ghetto noir de Brixton, secoué par de graves émeutes dans les années 80. Mr. President, South Africa has a special place in my heart. And in the hearts of the British people. Our two countries are bound together by history, by common interest, and by ideals and aspirations. On vient d'entendre un petit montage autour de la visite du président Nelson Mandela à Londres en 1996. Avec Marc Laurendeau, dans les minutes qui viennent, on va passer en revue quelques moments forts du règne, du très long règne d'Élisabeth. Le dossier sud-africain, c'en est un, Marc Laurendeau. Il est intéressant parce que c'est probablement l'un des dossiers politiques où la reine s'est le plus engagée. Pourquoi? Question de principe. On ne peut pas être dans le Commonwealth où il y a un certain nombre de valeurs communes, le parlementarisme, la démocratie, la bonne gouvernance, et avoir l'apartheid. D'ailleurs, en 1961, ce pays est expulsé, littéralement, à cause de la situation. On ne peut pas tolérer une chose comme celle-là. Et là, il est question d'un boycott économique de l'Afrique du Sud. Et lors des réunions autour de 85 et 87, je vous dirais, conférence de Nassau, conférence de Vancouver par la suite, là, la reine prend vraiment position contre sa première ministre, Mme Margaret Thatcher, qui, elle, est plus proche, je vous dirais, des intérêts économiques de la classe possédante en Grande-Bretagne. Elle pense qu'on ne peut pas garder l'Afrique du Sud comme partenaire économique, que c'est impensable. Il faut un boycott, il faut que ce soit sérieux. Il faut absolument, pour une raison de principe, et elle s'oppose, elle d'ailleurs, un de ses alliés là-dedans, c'est Brian Mulroney, le premier ministre du Canada. Dans son autobiographie, du rôle qu'aura la reine. Ah oui, puis lui-même deviendra un opposant à l'apartheid. Alors, elle sera un peu isolée par rapport aux autres pays du Commonwealth, Margaret Thatcher, et la reine sera plutôt du côté de, si vous voulez, de ceux qui veulent imposer des sanctions et que ce pays passe à la démocratie. C'est une crise qui l'oppose fondamentalement à Margaret Thatcher, avec qui elle n'a pas beaucoup d'atomes crochus. Elle a tendance à lui faire la leçon, à parler en disant « nous ». Ça, c'est réservé à la reine. « Nous, nous, nous ». Elle va même s'habiller à la manière de la reine. Très irritant. Ouais. Elle arrivait 5 minutes en retard. 5 minutes avant, au lieu d'arriver juste à l'heure. Et puis, parfois, en colère. À un moment donné, c'est sorti dans les journaux, ça, qu'il y avait un désaccord entre les deux. Et elle est arrivée très en colère, Margaret Thatcher. Ils n'avaient pas d'atomes crochus, puis il y avait une question de principe. Est-ce que c'est une, Isabelle Rivère, est-ce que c'est une des relations, celle qu'aura la reine avec Margaret Thatcher, l'une des relations les plus tendues, les plus toxiques, c'est peut-être trop fort, mais qu'elle aura avec tous les premiers ministres qu'elle verra se succéder? Alors, c'est probable. D'abord parce que Elisabeth II a grandi et aime travailler dans un univers masculin. Elle travaille plus facilement avec des hommes qu'avec des femmes, ça c'est absolument certain. Et puis, il va y avoir toujours entre elles cette espèce d'épine du Commonwealth, parce que de tous les rôles, de toutes les attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de ses fonctions de reine, eh bien c'est le rôle de chef du Commonwealth qu'elle préfère, celui dans lequel elle s'épanouit le plus. Et c'est grâce à elle que cette organisation internationale, souvent un peu turbulente en interne, va pouvoir maintenir sa cohésion, et ça va être l'un des grands points d'opposition avec Margaret Thatcher. Oui. Et l'Afrique du Sud, de fait, il y a une grande partie du Commonwealth qui est contre ce régime d'apartheid. Il y a cet enjeu-là aussi pour la reine de sauver, ou en tout cas qu'il y ait une unité dans le Commonwealth autour de cette question. Autre moment fort politiquement, Marc Laurendeau, du règne d'Élisabeth II, sa visite officielle en République d'Irlande en mai 2011. Argus Akoiza. It is a sad and regrettable reality that through the history. C'est une triste et regrettable réalité qu'à travers l'histoire, nos îles ont connu plus que leur juste part de chagrin, de turbulence et de perte. Ces événements nous ont tous touchés, certains plus personnellement, et demeure un héritage douloureux. Jamais nous n'oublierons les victimes et leurs familles. We could never forget those who have died or been injured and their families. To all those who have suffered as a consequence of our troubled past. À tous ceux que ce triste passé a fait souffrir, j'offre mes pensées sincères et mes profondes condoléances. Avec le recul historique, nous voyons tous des choses que nous aurions souhaité avoir été faites différemment, voire pas du tout. Had been done differently, or not at all. Quelle importance va avoir ce voyage d'Élisabeth II en République d'Irlande, Marc Laurendeau? Majeur. Ça faisait 100 ans qu'un monarque britannique était allé en Irlande. Le dernier était George V. En plus, la famille avait été traumatisée par l'assassinat de Lord Mountbatten, à la fois oncle de Philippe et de la reine aussi, assassinat véritablement en 1979. Il y avait une tentative contre la reine en 81 aussi, une tentative avortée. Alors, elle a été très habile là-dedans. Elle a préparé le terrain. En 93, elle reçoit... Et tout ça par les nationalistes irlandais, Marc. Toujours. Ben, oui. C'était le conflit. Oui. Il y avait ceux qui voulaient garder une Irlande très, très, très britannique au nord et tous les autres qui voulaient plus d'indépendance. Elle reçoit en 93 la présidente Mary Robinson Robin. En 97, rencontre informellement la présidente Mary McAleese. Alors, elle faisait des liens comme ça, informels. Oui. Alors, quand elle arrive là, elle se plie à la situation. On l'a entendu parler en gaélique, je pense, oui. La langue irlandaise. Exactement. Et le choix de vêtements, elle portait des robes avec des trèfles, certaines avec des harpes brodées. Je l'ai vu souvent parce qu'il y a eu des images de ce voyage-là qui ont été télédiffusées avec des vêtements verts. Mmh. Et le point culminant, c'est quand elle serre la main du vice-premier ministre, qui s'appelait Martin McGuinness, mais qui avait été commandant en chef de l'IRA, c'est-à-dire d'une organisation révolutionnaire, oui. À une époque. En 2012, ça avait été longuement préparé, elle lui serre la main. Et puis, il y a tous ces discours que l'on vient d'entendre, qui sont une forme de réconciliation. C'est elle ça. A joué ça. C'est la très visite habilement. De la réconciliation, d'une certaine manière, par rapport à McGuinness, de la réhabilitation. James Jackson, vous avez vécu 25 ans à Dublin. Oui. Comment s'est reçue cette visite de la reine? Ah, ben, c'était impensable, 10 ans ou 20 ans avant. J'étais entouré, j'avais des étudiants qui étaient membres de l'IRA. J'étais présent en Irlande, à Dublin, au moment de l'assassinat de son oncle. Oui. C'était un de mes collègues qui était le médecin légiste irlandais qui a fait l'autopsie de Lord Mountbatten. Vous venez de citer les noms des deux présidentes, Mary Robinson, Mary McAleese. C'était mes collègues à Trinity College. Donc, c'était comme une famille. Mm-hmm. Tout le monde se connaissait. Alors, quand elle s'est adressée, en se tournant vers le président, elle a dit en gaélique « Ochtron ». C'est le mot gaélique pour le président. C'est pourquoi on l'applaudit. Elle avait pris la peine d'apprendre par cœur certains mots en gaélique. Oui. Et quand elle a parlé de tout le monde, tous ceux qui avaient souffert, tous ceux qui sont morts, elle parlait aussi des membres de l'IRA, des membres catholiques, et non seulement des protestants du Nord, mais tout le monde. Oui. Et ça a été très bien accueilli par la population irlandaise. Oui. Elle a dû, Elisabeth II, au cours de ce très long règne, gérer quelques crises qui touchent davantage l'intimité de la famille royale. Très tôt, ça va arriver, Marc Laurendeau, avec sa sœur, Margaret, et la relation que Margaret entretient et le fait qu'elle veuille épouser Peter Townsend. Racontez-nous ça. Peter Townsend a été un consultant important auprès du père, George VI. Et c'est comme ça qu'elle l'a connu, Margaret, qu'elle l'a côtoyé. Elle est devenue follement amoureuse de lui. C'était l'homme de sa vie. Ils avaient 20 ans de différence. Il était divorcé. Mm-hmm. Et vous vous souvenez de ce qui s'était passé avec Édouard VIII, qui avait dû abdiquer parce qu'il épousait une femme maintes fois divorcée. Élisabeth était l'arbitre, c'est-à-dire ultimement, c'est elle qui devait donner son feu vert à une union comme celle-là. Et elle a au contraire opposé son veto. Ouais. Ce qui devait être très déchirant. Là. Elle savait qu'elle brisait le bonheur de sa fille, de sa sœur, mais qu'elle devait le faire au nom de la raison d'État. Ça sens être du devoir, absolument. Maintien de la tradition, des institutions, ça revient toujours. Ouais. Au fond. Et elle a été, ça nous en dit un petit peu aussi sur sa vulnérabilité dans les conseils qu'elle reçoit, dans sa vulnérabilité par rapport au pouvoir politique. Elle a été mal conseillée. On l'a un peu bernée dans cette histoire-là. Oui, parce que écoutez, plus tard, si on saute un peu, elle devra accepter le divorce de trois de ses enfants. Ouais. Là, et puis, elle devra accepter que même Camilla soit dans le paysage pour la succession. Alors, quand on voit ça avec le recul, et le sort malheureux, vraiment très malheureux qu'a eu Margaret Rose, mm-hmm. c'est le nom de cette princesse, c'est terrible la décision qu'elle a dû prendre. Un autre épisode qui va toucher évidemment la reine Élisabeth et la famille royale dans leur plus profonde intimité, c'est le décès tragique de la princesse Diana en août 1997. We have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express the sense of loss. Nous avons tous essayé différentes façons de faire face à la réalité. Il n'est pas facile d'exprimer un tel sentiment de perte. Le choc initial étant rapidement suivi par un mélange d'émotions, incrédulité, incompréhension, colère, en plus de la préoccupation pour ceux qui restent. Nous avons tous vécu ces émotions au cours des derniers jours. We have all felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. Ce que je vous dis aujourd'hui en tant que reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Diana. Elle était une personne exceptionnelle. Dans les bons et les mauvais moments, elle n'a jamais perdu sa capacité de sourire et de rire, ni d'inspirer les autres avec sa chaleur et sa gentillesse. Je l'admirais et la respectais pour son énergie et son engagement envers les autres, mais d'abord et surtout pour son dévouement envers ses deux garçons. Cette semaine, à Balmoral, nous avons tous essayé d'aider William et Harry à accepter cette perte dévastatrice qui nous fait tous souffrir. Cet extrait qu'on entend, c'est l'hommage que va rendre la reine à Diana le 5 septembre 1997 lors d'un discours à la télévision. On avait beaucoup reproché, Marc Laurendeau, à la reine une espèce de froideur par rapport à cet événement tragique. Ce discours-là, elle le fait à la demande de Tony Blair, ouais, le premier ministre. Parce que cette fois-là, elle n'a pas été au diapason des sentiments de sa population. C'est-à-dire qu'elle a joué ça, comme on dirait, « by the book ». Par devoir. C'est dit, mes fils, je vais les envoyer à Balmoral, ils vont être dans un cocon familial, et comme ça, ils vont éprouver le deuil de façon moins pénible. Mais il y avait la population à laquelle il fallait penser. Il fallait se manifester. Oui. Il fallait, à l'égard de Diana... Parce que la population britannique est en deuil profond. Ah oui, et il fallait que la famille royale montre son empathie. Oui. C'est donc Tony Blair, et un petit peu Charles aussi, qui l'ont conseillé et qui ont insisté pour qu'elle fasse ce discours. Ouais. C'est à leur demande qu'elle est arrivée à faire cela. Ouais. Et ils ont un peu sauvé la monarchie. En tout cas, l'opinion favorable qu'Élisabeth avait, ouais, incarnant la monarchie. Et pourtant, ce qu'on apprend dans votre livre, Isabelle Rivère, parce que c'est vrai qu'on a gardé cette image de froideur, de distance de la reine par rapport au décès tragique de Diana, et qu'on a conclu qu'au fond, elle n'aimait peut-être pas beaucoup Diana, mais ce que vous avez découvert, c'est que, au fond, la reine, le duc d'Édimbourg vont, et ça va rendre Charles malheureux, vont dans toute l'histoire de ce mariage malheureux, justement, entre Diana et Charles, la famille royale va plutôt prendre le parti de Diana. Oui, il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que dans l'extrait de ce discours que vous avez retransmis, les mots qu'elle emploie sont les siens. C'est-à-dire que personne n'a écrit cette allocution, ouais, à sa place. Elle a tenu à l'écrire seule et elle pense chacun des mots qu'elle emploie ce soir-là, veille des funérailles de Diana. J'ai eu, il y a quelques années, une conversation avec la comtesse Mountbatten, qui était l'une de ses amies d'enfance, la cousine germaine du prince Philippe et la marraine du prince Charles, et qui m'avait raconté que pendant toutes les années de plomb de la désagrégation du mariage de Charles et Diana, eh bien, Élisabeth et Philippe avaient soutenu leur belle-fille contre leur propre fille, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours cru à sa version, à elle, des événements, plutôt qu'à celle que leur présentait leur fils, et ça n'est que très très tardivement, au milieu des années 90, en réalité en 95, lorsque Diana participe à cette émission Panorama sur la BBC, dans laquelle elle commence à douter publiquement des capacités du prince Charles à devenir roi, etc., que la reine Elisabeth se rend compte que peut-être Philippe et elle, eh bien, ont fait une erreur, ouais, en n'accordant pas suffisamment leur confiance à leur fils. Ouais. Un dernier mot, Marc Laurendeau, dans cet aspect des crises plus intimes, c'est un mot sur cette fameuse année 1992. C'est épouvantable parce que trois des enfants de la reine sont sur la voie du divorce, Andrew, Anne et évidemment le prince Charles. Mais plus horrible, on voit Lady Sarah Ferguson sur une plage de Saint-Tropez, les seins nus, se faisant baiser les pieds par son conseiller financier. Là, on est dans la vulgarité, oui, totale. Et tout l'aura de mystère dont aime s'entourer la famille royale s'écroule, disparaît d'un coup. Oui. Y a évidemment les révélations dans le livre d'Andrew Morton où Diana expose sa vie privée, oui, qui est un désastre. Tout ça, et puis le château qui brûle, le château de Windsor qui brûle. On remet en question le fait que le public doit mettre l'argent là-dedans. La reine, tout à coup, est amenée à payer de l'impôt, oui, pour donner l'exemple. Alors, tout ça a bien brassé. L'Annus Horribilis, je le rappelle, c'est 92. Il y aura peut-être plus tard une Annus Mirabilis qui est celle du jubilé de diamant. Depuis le jour où les intrépides explorateurs et colons français ont établi les bases du Canada sur les rives de ce fleuve, des hommes prévoyants ont rêvé d'une voie navigable en eau profonde depuis le port de Montréal jusqu'à la tête des grands lacs. Si la terre des hommes célèbre le Canada d'hier et d'aujourd'hui, elle préfigure aussi celui de demain. Que sera donc ce Canada? Partout au Canada, ce n'est que choc d'idées, questions, appels, revendications, projets. Tout un brassement vigoureux qui est le tumulte même de la vie. Dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, la jeunesse de ce pays vise à la rigueur, à l'excellence même. C'est ainsi, j'en suis convaincue, que le Canada sera à la pointe du progrès et de l'idéal humain. Deux extraits, en fait, qui illustrent les nombreux passages. Elle viendra une vingtaine de fois au Canada à la reine Élisabeth II. Vous avez entendu un extrait qui remonte à 59 à l'occasion de l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, puis 67, évidemment, le 100e anniversaire de la Fédération canadienne, l'Exposition universelle de Montréal. James Jackson, pour parler de cette relation qu'a la reine avec ce pays, le Canada, peut-être nous dire d'abord ce que ça représente pour elle que ce pays, le Canada. Je crois que c'est probablement, de tous les pays du Commonwealth, le pays qui est le plus proche de son cœur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle peut, pour la seule fois, parler en français? Oui. Il y a probablement ce côté, c'est le Québec qui lui permet de montrer aux anglophones, aux Britanniques, qu'elle maîtrise cette langue... Qui impressionne toujours les Britanniques. Elle en parle dans un de ses discours en préparant l'émission. Elle vient et dans un des discours qu'elle prononcera au Québec, elle le dit explicitement que quel bonheur c'est pour elle de pouvoir, dans un pays du Commonwealth, dans celui-ci, parler dans cette langue si grande et si prestigieuse, le français, sur le Québec. Ça ne se passera pas toujours très facilement, que représente le Québec pour elle, quel genre de relation le Québec a avec Élisabeth II. Ça nous ramène tout de suite, évidemment, à cette visite de 1964, à l'occasion du 100e anniversaire de la Fédération de Charlottetown. C'est lors de cette visite de 64 qu'aura lieu ce fameux samedi de la matraque à Québec. Je suis très heureuse que vous m'ayez invitée à venir à Québec après ma visite à l'île du Prince-Édouard. Nous sommes fiers du rôle irremplaçable et de la destinée particulière du Canada français. Pendant 400 ans, il a conservé sa vigueur et sa force. Et lorsque vous chantez « Au Canada », vous vous souvenez que vous êtes né d'une race fière. Une visite pas comme les autres, une visite royale. La visite de Sa Majesté, la Reine du Canada, Élisabeth II, ce 6 octobre 1964. Nous savons désormais que ce samedi-là, samedi de la matraque pour les uns, de la frustration pour les autres, ce sont surtout les jeunes, membres du RIN ou étudiants qui ont poursuivi des manifestations sporadiques à travers la ville, un peu toute la journée. M. Bourgo, à l'annonce de la venue de la reine à Québec, comment a réagi le RIN? Nous avons immédiatement envoyé un télégramme à la reine d'Angleterre, lui enjoignant de ne pas venir au Québec, pour les raisons qu'on connaît maintenant, parce qu'elle ne serait pas bienvenue. Et puis nous avons commencé à préparer cette venue-là, parce que nous étions à peu près certains qu'elle viendrait de toute façon. Nous avons commencé à préparer la population psychologiquement, et nous avons commencé à préparer nos membres et l'organisation des manifestations qui devaient avoir lieu à Québec. Que se passe-t-il, James Jackson, ce fameux 6 octobre 1964? Ce n'était pas juste le RIN, c'était aussi les étudiants de l'Université de Laval. Et c'était par l'ironie de l'histoire que ce soit Brian Mulroney qui était le porte-parole. Il décrit dans ses mémoires qu'il a été élu porte-parole des étudiants qui allaient manifester. Il disait ça va coûter $1 million. Oui. Ça pourrait fournir 2000 bourses pour les étudiants à l'Université de Laval. Donc il a participé à cette manifestation. Je crois que c'est la police. Et il faut aussi voir le contexte historique. 63, juste quelques mois avant, c'était la mort, l'assassinat du président Kennedy. Oui. La FLQ est déjà active dans le mouvement d'indépendance. Donc, on comprend, on est sur la police dents. Sur les dents. Oui. Alors, il suffit de voir quelques manifestants et je crois que la police a mal réagi. C'est-à-dire, c'est Jean Lesage, oui. Premier ministre Jean Lesage, premier ministre du Québec, qui lance l'invitation au moment où ce climat effervescent que décrivait Jim est en pleine montée. Là. Oui. Le sentiment souverainiste est très fort en 1964. Oui. L'idée d'inviter la reine, lui, qui était monarchiste, c'était tout à fait dans ses cordes, mais ça n'était pas vraiment dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait la population. Accueillir la reine, c'était comme une forme de gifle. Ouais. Alors, il y a eu des pancartes, on écrivait « Bébête, retourne chez toi ». Enfin, et je crois que c'est encore un exemple où certains premiers ministres, ou bien du Québec ou du Canada, ont instrumentalisé la reine. Ben, un autre exemple, en fait, on y vient tout de suite, parce qu'on ne peut pas parler de la relation du Québec avec la reine Élisabeth II sans évoquer ce fameux rapatriement constitutionnel de 1982. Le Québec fut à la fois l'inspiration et l'agent principal de la transformation profonde qui naquit de cette décision. Et malgré l'absence regrettée du premier ministre du Québec, il n'est que juste d'associer les Québécois et les Québécoises à cette célébration du renouveau. Car sans eux, le Canada ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Quel rôle elle va jouer? De quelle façon sera-t-elle instrumentalisée, dites-vous, James Jackson, la reine, dans ce rapatriement de 82? C'était l'idée de M. Trudeau. Déjà, il avait des problèmes avec M. Bourassa, qui n'était pas en faveur du rapatriement de la Constitution. Donc, ça, c'est la seule façon d'imposer cette Constitution. Ouais. Et c'est une autre façon de bétonner l'importance de la monarchie. Parce qu'à partir de la Constitution, on ne peut pas mettre fin à la monarchie, au rôle de la reine du Canada, il faudrait l'accord de tout le pays. Donc c'est une façon de dire à la monarchie, regardez, c'est le Canada qui vous sauve. Ouais. Et c'est malgré, il aurait pu faire entrer le Québec. Mais c'était... Et la reine, évidemment, est appelée pour, comme chef d'État du pays pour signer cette nouvelle constitution. Ouais. C'est étrange parce que plusieurs biographes disent qu'au palais de Buckingham, on soupçonnait Trudeau d'être un républicain. Il fait des pirouettes dans son dos, il faut s'en souvenir. Pour toutes ces raisons, irrespectueux envers la monarchie. Mais à des moments, il semble l'instrumentaliser pour officialiser sa constitution qu'il venait de passer en vitesse avec la fameuse nuit des longs couteaux. À l'exclusion du Québec, d'ailleurs, il convoque la reine. Mais auparavant, en 1976, et je sais que le maire Drapeau, pour avoir travaillé là-dessus, n'était pas favorable à ce qu'on invite la reine pour inaugurer les Jeux olympiques. C'est Trudeau. Qu'est-ce qu'elle comprend, la reine, de la réalité québécoise, Marc Laurendeau? Je crois qu'elle la comprend très bien. Elle est au courant de tout. C'est une personne qui fait ses devoirs, qui lit tout, qui se renseigne sur le plan de l'information. Elle a la sensibilité nécessaire pour comprendre exactement ce que veulent les Québécois. Ouais. Elle n'est pas d'accord, naturellement. D'ailleurs, de façon un peu cocasse, elle s'est fait prendre au piège. Elle, qui jamais ne dit le fond de sa pensée, il y a un farceur qui s'appelle Pierre Brassard qui lui a téléphoné en imitant la voix de Jean Chrétien lors du référendum de 1995 et qui lui a fait dire qu'elle elle souhaitait que le Québec reste dans la Fédération. Mais je crois qu'elle comprend, elle est à même de comprendre les revendications des Québécois. Je crois qu'elle a compris en 1964. Elle a compris, elle n'oublie pas. Quand on dit « je me souviens », je crois que la reine doit le dire très, très, très souvent. Oui. « Je me souviens ». Et elle n'a jamais oublié l'affront oui. Hein, de ce qui s'est passé dans la rue, ce qui fait qu'il fallait plus de presque 30 ans avant la prochaine fois qu'elle vient visiter le oui. Québec. C'est déjà le moment de conclure cette émission. Dernier tour de table, tous les trois, pour essayer de faire le bilan de ce très long règne. Comment le résumer, ce très long règne? Quelle place elle occupe, Élisabeth II, dans la monarchie, dans l'histoire de la monarchie britannique? Marc Laurendeau. Capital. C'est le plus long règne de l'histoire de la Grande-Bretagne. Si on compare à Victoria, son aïeul, elle a été beaucoup plus fonctionnelle qu'elle à la fin, oui. Plus en forme intellectuellement et physiquement. Elle a consolidé le Commonwealth, grande organisation, 54 pays indépendants, 2,1 milliards d'êtres humains, oui. un tiers de l'humanité. Elle a assuré la continuité de la monarchie. Elle est reine de 16 pays encore, 135 millions de sujets. Le maintien de l'institution. The firm, comme oui. dirait son père, George VI. Oui. Elle a assuré le maintien de l'institution et des liens dont je viens de vous parler. Isabelle Rivère, vous disiez un peu plus tôt dans l'émission, pour vous, c'est une des grandes reines. Oui, d'abord, ce qui est notable, c'est de remarquer que les grands rois de l'histoire de la monarchie britannique sont des femmes. Oui. Élisabeth Ière, Victoria et Élisabeth II, qui est déjà entrée dans l'histoire. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que les 60, enfin, ce règne d'une longévité extraordinaire a été marqué aussi par des bouleversements techniques, économiques, sociaux ouais. incroyables et qui se sont déroulés à une vitesse tout à fait exceptionnelle, bien plus rapidement qu'au règne de Victoria et encore plus rapidement, bien entendu, que sous le règne d'Élisabeth Ière. Et pourtant, elle a réussi à accompagner ces changements ouais. et à transmettre. Elle transmet une couronne en bonne santé, un trône en bonne santé. Et je pense que c'était là sa mission première. Dans un état peut-être plus solide même que celui dans lequel elle a hérité de cette couronne. James Jackson, en termes de... Je crois qu'à la fin de son règne, si on lui pose la question, hein, pour lui demander le bilan, elle pourrait adapter la phrase qu'aurait dit Talleyrand après la Révolution française. Elle pourrait dire « la monarchie a survécu ». Pendant mes 105 ans ou plus, pendant que j'étais reine. Et ça, c'est primordial, probablement, pour l'avenir de la monarchie britannique. Ouais. Oui. Merci beaucoup à tous les trois. James Jackson, philosophe et historien britannique. Isabelle Rivère à Paris, spécialiste de l'histoire des familles royales. Auteur, je le rappelle, d'Élisabeth II dans l'intimité du règne et de Charles et Camilla, une histoire anglaise. Et Marc Laurendeau, journaliste ami de l'émission. Merci infiniment à tous les trois. Merci. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Chantal Saint-Sauveur. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.